danse pas, ne danse pas, en écoutant tomber la pluie. D'un air exaspéré, désemparé, tu regardes tomber la pluie. Tu dis que tu dois t'en aller, mais nous sommes emprisonnés. Il pleut. Et là tu danses sur un pied, alors qu'on pourrait tant s'aimer, nous deux. Ne te balance pas, ne danse pas, en écoutant tomber la pluie. Écoute Debussy, c'est si joli. Tiens, c'est le jardin sous la pluie. Ça te donne bien des idées, mais tu n'oses pas l'avouer encore. Tu veux sauver les apparences, mais tu penses à ce que je pense. Alors, ne te balance pas, ne danse pas, en écoutant tomber la pluie. Ah, s'il pouvait pleuvoir jusqu'à ce soir, moi je la bénirais la pluie. Mais n'attends pas qu'il soit trop tard, tiens, prends ma main et viens t'asseoir plus près. Occuper du temps qu'il fait. Ne te balance pas, ne danse pas, ne te balance pas, ne danse pas.